avec moi. C'est promis, non vraiment, vous n'aurez plus d'ennui, il suffit juste de me brancher, et voilà. Je suis déjà prêt, je suis ISO 9002, avec même du bleu dans les yeux, tous les thèmes, tous les logos pour vous, madame, une sonnerie dans le dos. Je suis plug and play, garanti, certifié, autocollant, vista ready s'il vous plaît. Je suis plug and play et programmable à souhait, avec live update et compatible tout sujet. Full option. Multitâche, quelle merveille, je peux chanter et faire la vaisselle, agenda. Bluetooth synchronisé, aucune date ne pourra m'échapper, avant-gardiste. J'ai un dual core, dont un pour vous. Connexion multiport, inclus d'office. Vous apprécierez mes tournevis pour tout vous réparer, mon mode de charme. Ce n'est pas compliqué et vous donnera les plaisirs espérés. Je suis plug and play, garanti, certifié, autocollant, vista ready s'il vous plaît. Je suis plug and play et programmable à souhait, avec live update et compatible tout sujet. Tout à fait. Je suis multi-OS de votre iMac, composez mes caresses de ce site web. Vous pouvez downloader ce nouveau patch pour cuisine raffinée, comparer. Mesdames, s'il vous plaît, à la maison, votre homme est désuet, il vous faut ce nouveau modèle plug and play, garantie satisfaite.